peine et le miel. Je suis un chien, je miaule. Mon cœur ne cesse pas de battre, car sa beauté est trop violente. Mon regard la vous voit, voyons. Ma langue la visite, mon voyage. Elle n'est pas d'ici, faut pas que j'aille des soirs. Elle sait pas que c'est ma religion. Attends, oui, c'est ma conviction. Je ne céderai pas, telle est ma mission. On s'amuse pas avec ma religion. J'ai perdu le chemin de la maison. Pourquoi on s'embrouille sans raison? On était si bien sous les draps. Mettez ma religion, mettez ma religion. Moi je t'aime mon bébé. J'ai perdu le chemin de la maison. Pourquoi on s'embrouille sans raison? On était si bien sous les draps. Mettez ma religion, mettez ma religion. Moi je t'aime mon bébé. Je te mets loté, t'es mon city loto. Car pour toi j'ai voté, mon cœur dans des bocaux. Le ciel, le compte, j'suis ballotté. L'amour ça fait mal sur ma tombe, je l'ai noté. Je l'ai noté. Sur ma tombe, je l'ai noté. Elle sait pas que c'est ma religion. Attends, oui, c'est ma conviction. Je ne céderai pas, telle est ma mission. On s'amuse pas avec ma religion. J'ai perdu le chemin de la maison. Pourquoi on s'embrouille sans raison? On était si bien sous les draps. Mettez ma religion, mettez ma religion. Moi je t'aime mon bébé. J'ai perdu le chemin de la maison. Pourquoi on s'embrouille sans raison? On était si bien sous les draps. Mettez ma religion, mettez ma religion. Moi je t'aime mon bébé. On prend de l'âge et on vieillit. Puis au Théo, je dois obéir. Au bout du monde, sur des béquilles, on n'a pas fini de se péter. Je sais que tu m'aimes, moi aussi. Soyons soudés pour qu'on réussisse. J'ai perdu le chemin de la maison. Pourquoi on s'embrouille sans raison?